Riyad le 26 avril 2016. Le cheikh Al-Fawzan vient de sortir de l'école secondaire Ibn Kathir, quartier de Mourouge, à Riyad, où il a certainement prononcé un discours devant les élèves. Cheikh, de nos jours beaucoup de jeunes sont confrontés à des épreuves et à l'exagération dans la religion et l'extrémisme. Quelle est l'utilité de ces rencontres pour faire face à l'exagération et l'extrémisme ? Au nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux. Sans aucun doute, l'exagération et l'extrémisme sont des phénomènes qui existent à toutes les époques. Mais il faut leur opposer la science. La science utile qui est le livre d'Allah et la Sunna. Lorsqu'on leur oppose la science, ces fléaux partent et disparaissent car Allah le Très-Haut dit. Et dit, la vérité est venue et l'erreur a disparu. Car l'erreur est destinée à disparaître. Louange à Allah, tant que le livre d'Allah, le Coran, est avec nous, ainsi que la Sunna de notre prophète paix et bénédiction sur lui, et que nous les avons en mémoire et nous les appliquons, alors sachez qu'Allah dit. Et nos soldats seront les vainqueurs. Nous ne craignons rien tant que nous avons avec nous le livre d'Allah et la Sunna du prophète paix et bénédiction sur lui. Le prophète paix et bénédiction sur lui a dit : Je vous ai laissé deux choses. Si vous vous y accrochez fermement, vous ne vous égarerez jamais après ma mort, le livre d'Allah et ma tradition, Sunna. Et ces deux sources sont présentes, grâce à Allah. Le Coran et la Sunna sont là. Cependant, il faut apprendre ce qu'il y a dans le Coran et la Sunna, de la manière authentique, en les étudiant avec les savants et dans les établissements où la science est dispensée par des savants, spécialistes en la matière. C'est ça qui est utile pour contrer la propagation des égarements et des ambiguïtés. Allah dit : Ils ne t'apporteront aucun exemple, sans que nous t'apportions, en contrepartie, la vérité avec la meilleure interprétation. Tant que le livre d'Allah est avec nous, nous serons vainqueurs avec la permission d'Allah. À condition que nous nous y accrochions fermement et que nous l'appliquions. Les opposants n'ont rien d'autre que des ambiguïtés, alors que nous, nous avons la vérité, nous avons la lumière, nous avons la guidée. Ils n'ont rien d'autre que des ambiguïtés et des paroles d'égarement. Lorsqu'ils sont confrontés au Coran et à la Sunna portée par les savants, ils se retrouvent humiliés et dans la confusion, avec la permission d'Allah le Très-Haut. Qu'Allah vous récompense, Cheikh. Je vous laisse, sous la protection d'Allah.